3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Un gremlin est une créature folklorique espiègle inventée au milieu du 20e siècle pour expliquer à l'origine les dysfonctionnements des avions de guerre et plus tard celui d'autres machines ou de troubles survenant à leurs opérateurs. Cette légende de l'aéronautique militaire est née en Grande-Bretagne durant la Deuxième Guerre mondiale et servait à justifier les incidents dont étaient victimes les pilotes de chasse de la Royal Air Force. Ces créatures inventées étaient accusées de détériorer et de casser les moteurs. Dans l'imaginaire de l'époque, le gremlin est un farceur, mais aussi un protecteur. En effet, les pannes dont il est accusé ne sont jamais mortelles et il est même réputé pour s'attacher à un pilote ou à un avion en particulier qu'il prend comme victime de ses farces répétées, tout en veillant cependant à sa pérennité. En 1943, le personnage du gremlin passe à la fiction romancée dans une œuvre de l'écrivain Roald Dahl, puis, plus tard, la créature maléfique se verra transportée au cinéma. Ce sera donc en 1984 que Steven Spielberg produira un film intitulé Gremlins qui sera vaguement inspiré des personnages de l'auteur Roald Dahl, mettant en scène des monstres maléfiques et destructeurs qui mutent à partir de petites créatures à fourrure. D'ailleurs, le cycle de vie de ce petit diable sera assez simple, passant de sa version adorable du Mogwai à celle d'un cocon avant de devenir un gremlin. Mesurant environ 1 mètre de haut, ce petit être adorable qui se reproduit simplement au contact de l'eau devient alors un monstre possédant une peau écailleuse semblable à celle d'un reptile après qu'il soit nourri passé minuit. Possédant de grandes oreilles en forme de chauve-souris, 3 griffes acérées sur leurs pieds et leurs mains et des dents tout aussi tranchantes, l'apparence de ces petites créatures peuvent varier allant de différentes nuances et combinaisons de vert, de marron et de noir. Leur intelligence et leur force varient également et ils sont tous très espiègles et dangereusement violents, aucun gremlin n'ayant démontré une volonté de gentillesse. De plus, ces petites créatures ne semblent pas se soucier du bien-être de leurs camarades, s'entretuant parfois entre eux simplement pour le plaisir. Mais ces gremlins possèdent quelques points faibles suite à leur métamorphose, tels que leur aversion pour les lumières vives et leur vulnérabilité à la lumière du soleil. Même sous cette forme, ce petit être diabolique a également la capacité de se multiplier lorsqu'il est mouillé. Contrairement aux mogwais, cependant, où de petites boules de poils sortent de leur dos et se gonflent rapidement pour se transformer en de nouveaux mogwais, le dos des gremlins humides est criblé de grosses ampoules contenant de petits gremlins qui se libèrent assez rapidement et commencent alors à se développer. Ces gremlins, qui donnent naissance aux nouveaux gremlins, sont souvent plus vulnérables que les autres car le processus d'accouchement est souvent extrêmement douloureux pour les petites créatures. Donc, sortez vos livres de légendes folkloriques et faites attention à ce petit cadeau mystérieux que vous recevrez pour la période des fêtes, alors que je vous parlerai aujourd'hui de ces deux films fantaisistes qui ont su amuser et surtout terroriser leur auditoire au milieu des années 80 ainsi qu'au début des années 90, longs-métrages qui seront tous deux réalisés par le metteur en scène Joe Dante, soit Gremlins et Gremlins 2 The New Batch. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Bringing home a cuddly Mogwai and don't want to leave it astray? There are three rules that you must obey. Rule number one, do not expose them to bright light, especially not sunlight, or they'll die. Rule number two, do not get them wet, or they will multiply. And rule number three, do not feed them after midnight, or they will become the nefarious gremlin creature. But just how many different gremlins are featured? Here's an explanation of every gremlin variation. Like all the Mogwai in the first film, the adorable Gizmo has brown and white fur. His hands and feet have three digits, and he has large, expressive ears. Giz also spawns multiple other Mogwais, including the chubby Haskins and the leader Stripe, who sports a fashionable mohawk. They're mistakenly fed after midnight, which causes them to cocoon and later emerge as the villainous Green Gremlin. The gremlins have beige accents, armored scales on their shoulders and legs, spiky protrusions on their face, a pointy head fin, and yellow and red eyes. The evil Stripe retains his hairdo, has a more narrow face, and is a brighter shade of green. Other gremlins of note are the Flasher, the Christmas Carolers, a Mugger Gremlin, and a Flash Dancer. They love eating candy, drinking beer, playing poker, and above all, causing mischief. Plus, they love a night out at the movies. In the sequel, the gremlins are taller, have longer arms, bigger hands and feet, and a more reptilian-like color. Their tailbone has fewer prongs, their spiky protrusions are more prominent, they lack the pointy head fins, and their eye coloring is inversed. There's also a secondary gremlin variant that has a more squished face and a cooler tone of green. Plus, both of these variants come in a spotted brown coloring. Gizmo is also given a streamlined redesign and once again gets wet, this time spawning four unique Mogwai-turned gremlins, including the Grumpy George, who has ape-like features, George's best friend, the buck-toothed and droopy Lenny, the evil Mohawk with added red fins, who's apparently the reincarnation of Stripe, and the wacky and googly eyed Daffy. This film also showcases an updated Flasher, a secretary gremlin, twin scientists, a night gremlin, witch gremlin, and a Phantom of the Opera gremlin. Some of the gremlins also consume scientific formulas, resulting in a vegetable gremlin, a super smart brainy gremlin, a fashionable female gremlin named Greta, a bat gremlin, who's given sunblock formula to fly in daylight, but he gets soaked in concrete and dries like a gargoyle statue. Mohawk turns into a spider gremlin, but is taken out by the Rambo-influenced Gizmo, and an electric gremlin, who is captured in a phone line and later let loose to fry his whole gremlin family. Well, all but Greta, who survives to make it to her wedding. So, which troublesome gremlin is your favorite? Or do you prefer the more cuddly Mogwai? The management and staff of this theater wish every one of you a very, very happy Christmas. Here's to a gay, exciting new year. The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime. get more out of life. Go out to a movie. Steven Spielberg presents Gremlins. Billy Pelser has a nice home. Billy, is that you? Yeah, Mom, it's me. A nice job. A nice girl. If you're not doing anything this Thursday night, maybe you'd like to go out on a date with me? I'd love to. And loving parents who are about to give him... You're gonna like this. No, don't shake it. We're gonna have to open it now. It won't wait till Christmas. The most unusual gift he ever got. What is it? No. It's your new pet. Come on, Barney, be a good dog. My dad gave it to me. But there are a few things to keep in mind. If you expose it to the light, you may hurt it. If you get it wet, it will multiply. All that from water? They got wet? Yeah, plain water. And most important, no matter how much they beg, never, never let them eat after midnight. Because when they do, they change. Rafe. They become clever. Mischievous. What's going on here? And dangerous. Gremlins, huh? Little monsters. Right. Hundreds of them. Well, I don't know, maybe thousands. They've been here too. Billy, what are these things? Where do they come from? Look, I know it sounds crazy, I know. But in a few hours, you're gonna have a major disaster on your hands. Gremlins, directed by Joe Dante. They'll be expecting you. Gremlins est un conte fantastique qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 8 juin 1984. Ce film américain d'une durée de 106 minutes a coûté plus de 11 millions de dollars à produire, mais amassera plus de 212,9 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Joe Dante, lui qui avait réalisé les films The Howling, Explorers, Inner Space et The Burbs. Au niveau de la production, eh bien, ce sera le producteur américain Michael Finnell, lui qui avait produit les films Newskies, Matinée, Small Soldiers et Deceived. Alors qu'à la scénarisation, eh bien, on y retrouve le scénariste américain Chris Columbus, lui qui avait écrit les scénarios de The Goonies, Young Sherlock Holmes et Nine Months. Dans la distribution, on y retrouve l'acteur Zach Galligan, Phoebe Cates, Ord Axton, Polly Holiday, Frances Lee McCain, Judge Reynolds, Dick Miller, Glenn Turman, Kai Luke, Scott Brady et Corey Feldman. Au cours d'un voyage, un inventeur malchanceux achète un cadeau à son fils adolescent. Il s'agit d'un curieux petit animal qu'il a trouvé dans une boutique chinoise. Des instructions très précises lui sont alors données pour l'entretien et la nourriture de la bête, mais ces dernières sont rapidement brisées par accident, le Mogwai donnant alors naissance à d'autres créatures semblables qui se transforment peu après en monstres malicieux, s'échappant et semant la terreur dans la petite ville où il réside. Après avoir été diplômé du John F. Kennedy High School à Warren, en Ohio, le réalisateur-scénariste Chris Columbus poursuivra ses études à l'École de cinéma de l'Université de New York à la Tisch School of the Arts, où il sera camarade de classe du scénariste Charlie Kaufman et de l'acteur Alec Baldwin. Ce sera au début des années 1980 que débutera sa carrière professionnelle alors qu'il écrira le scénario du drame Reckless qui sera distribué en salle en 1984. Déçu du résultat final, Columbus fera la conception d'un nouveau scénario que le jeune homme n'écrira qu'avec l'objectif de montrer ses talents de scénariste à de futurs employeurs, ne croyant véritablement pas que ce scénario, intitulé Gremlins, ne soit adapté pour le grand écran. L'inspiration de son histoire viendra alors que le jeune écrivain vivait dans un loft assez chic de Manhattan, espace qu'il cohabitait avec un peloton de souris qui sortaient la nuit et empêcheront alors Columbus de dormir, ces petits rongeurs étant très bruyants et surtout très actifs, activant ainsi l'imagination de l'auteur. Après avoir terminé son œuvre, quelle ne fut pas la surprise de Columbus de voir le réalisateur-producteur Steven Spielberg s'intéresser à son œuvre et acheter les droits cinématographiques. Spielberg était tombé en amour avec le premier jet et, après avoir acheté les droits, embauchera Columbus à titre de scénariste avant de chercher un réalisateur pour s'occuper de la réalisation du long métrage, Spielberg étant alors trop occupé avec la réalisation du film Indiana Jones and the Temple of Doom. À l'origine, Spielberg avait l'intention d'embaucher le réalisateur Tim Burton, dont il venait de voir la toute première œuvre, Frankenweenie. Mais malheureusement, le jeune réalisateur n'avait pas encore fait ses preuves sur un long métrage, forçant le producteur à se tourner vers le metteur en scène Joe Dante, avec qui il avait précédemment travaillé sur l'adaptation cinématographique de The Twilight Zone, The Movie. Spielberg avait rencontré Dante pour la première fois lorsque le service juridique d'Universal avait menacé de poursuivre celui-ci à cause de son film Piranha qui avait de multiples similitudes avec le long-métrage de Jaws. Heureusement, Spielberg persuada les avocats de laisser tomber les poursuites et maintiendra un intérêt suffisant pour la carrière de Dante pour lui offrir le concept des Gremlins. Au moment de son embauche, le jeune réalisateur en était à ses derniers dollars. En effet, Dante venait de réaliser The Howling en 1981, qui avait bien marché au box-office, mais la société de cinéma qui avait produit le dit film avait fait faillite avant de pouvoir le payer. Lorsque le scénario de Steven Spielberg est arrivé, le réalisateur fut très surpris, convaincu que le script avait été envoyé à la mauvaise adresse. Warner Brothers sera alors intéressé par le projet, mais se montrera quelque peu réticent à l'aspect très violent du scénario d'origine de Columbus. En effet, dans la version originale, l'histoire était beaucoup plus sombre, certaines scènes nous montrant les gremlins mangeant le chien de Billy, décapitant la mère de ce dernier et jetant sa tête dans les escaliers, ou encore se rendant dans un McDonald's manger non pas des hamburgers, mais plutôt la clientèle du restaurant. Spielberg et Dante demanderont alors à Columbus d'atténuer le gore afin de rendre le film beaucoup plus familial. Un autre changement majeur sera également demandé par Spielberg. En effet, à l'origine, Gizmo était en fait censé se transformer dans le film en Gremlins et ainsi devenir Stripes, le chef du groupe des petites créatures maléfiques. Heureusement, Spielberg suggéra de les séparer, pensant que Gizmo devait rester un incontournable du long métrage. Tout comme Poltergeist, Spielberg ne se présentera presque pas sur le plateau de tournage, ce dernier étant très occupé par le second film de la saga Indiana Jones. Cependant, on pourra tout de même sentir la présence du producteur sur le tournage, notamment avec un caméo de ce dernier dans le film, et surtout cette idée qu'il aura de suspendre un chien à travers une série de lumières de Noël. La présence de Spielberg se fera également sentir lors du choix de la distribution. Pour le rôle de Kate, la petite amie du personnage principal, Spielberg et Dante choisiront l'actrice Phoebe Cates, un choix risqué pour l'époque car l'actrice était reconnue surtout pour des rôles plus adultes dans des films tels que Paradise en 1981, Fast Times at Richmond High en 1982 et finalement Private School en 1983. Du côté du personnage principal, soit Billy, Spielberg forcera l'embauche de l'acteur alors inconnu Zach Galligan, qui fera ici ses débuts sur le grand écran, après avoir remarqué la chimie entre Galligan et Cates lors des auditions. Au niveau du reste de la distribution, Spielberg entourera ses deux jeunes comédiens d'acteurs et d'actrices beaucoup plus connus du milieu cinématographique, soit Glenn Turman, Dick Miller, Kai Luke, Polly Holiday, Judge Reynolds et l'acteur Edward Andrews, dont il s'agira ici de la dernière présence sur le grand écran, tout comme l'acteur Scott Brady qui interprétait le shérif Frank. Andrews décédera d'une crise cardiaque en mars 1985 à l'âge de 70 ans, alors que Brady décédera d'une insuffisance respiratoire un mois plus tard à l'âge de 60 ans. Pour le jeune acteur Corey Feldman, ce dernier sera ajouté à la distribution après que Steven Spielberg ait abandonné lors de l'écriture du scénario le personnage du meilleur ami de Elliot qu'il devait interpréter dans le long-métrage E.T. the Extraterrestrial en 1982. Ce sera l'acteur Howie Mandel qui sera choisi pour fournir la voix de Gizmo alors que le doubleur prolifique Frank Welker fournira sa voix pour le gremlin appelé Stripes. Aucun des deux hommes n'obtiendra une mention au générique pour leur participation. Ce sera Welker qui suggérera à Mandel de jouer dans Gremlins. toutes les lignes de texte des créatures furent principalement inventées par les deux acteurs, basées sur des indices des actions physiques des marionnettes qui furent tournées avant le travail vocal. La majorité des voix des autres gremlins seront interprétées par Michael Winslow, Peter Cullen, Bob Burgeon, Fred Newman, Mark Dobson, Bob Holt et Michael Sheehan. Dès le début du projet, Spielberg a toujours eu la vision de produire Gremlins comme un film B à petit budget. Ce sera d'ailleurs la principale raison derrière le choix de Joe Dante au poste de réalisateur, ce dernier ayant travaillé durant plusieurs années pour le réalisateur-producteur de films à petit budget, Roger Corman. La production aura lieu à l'été 1983. Certaines des performances seront tournées dans les décors de Courthouse Square et de Colonial Street dans les studios Universal à Universal City en Californie. Afin de sauver de sérieux problèmes de production, la décision sera prise de créer de la fausse neige alors que Spielberg, lui, voulait à l'origine tourner dans un endroit beaucoup plus froid avec de la neige véritable. Dante est alors parvenu à le faire changer d'idée, lui faisant alors comprendre que cette atmosphère artificielle rendrait les effets spéciaux beaucoup plus convaincants et surtout donnerait une ambiance de conte de fées au long métrage. Ce sera d'ailleurs dans ces studios que sera construite la ville de Kingston Falls. Fait cocasse, ce sera ces mêmes décors qui seront utilisés pour la ville de Hill Valley dans Back to the Future l'année suivante. L'un des acteurs favoris du réalisateur sera le chien de Billy, dont le véritable nom est Mushroom, et qui fut une joie de travailler avec un talent inestimable pour créer de manière fiable la réaction idéale à des lignes particulières. De plus, Mushroom avait tendance à travailler facilement avec les marionnettes Mogwai et Gremlins, se déplaçant en synchronisation avec elles pendant toute la durée du tournage pour produire des réactions crédibles à leurs actions. Le seul problème fut que l'animal ne suivait pas l'acteur Zach Galligan lorsque ce dernier se promenait dans la rue. Pour régler cette situation, la décision sera prise d'attacher la paire avec une corde monofilament. Comme les effets spéciaux reposaient principalement sur le marionnettisme, suite à une tentative antérieure désastreuse où des singes furent utilisés pour interpréter les Gremlins, Dante et le producteur Michael Finnell se tourneront alors en direction du concepteur des effets spéciaux Chris Wallace pour la réalisation des créatures en caoutchouc dont certaines seront entièrement mécaniques. Wallace, qui aura besoin de plus de 7 mois pour se préparer pour ce projet, avait auparavant travaillé avec Dante sur Piranha en 1980 et avec Steven Spielberg sur Raiders of the Lost Ark en 1981. Le travail avec les marionnettes animatroniques fut particulièrement frustrant car elles étaient toutes petites et donc souvent en panne. Alors que Wallace recommandait d'agrandir les Mogwai pour faciliter leur création et leur fonctionnement pour l'équipe des effets spéciaux, Dante insistera pour garder ces dernières à une taille petite pour améliorer la gentillesse des créatures. Par conséquent, et répondant à la frustration grandissante de l'équipe des effets spéciaux, Dante créera une scène dans laquelle les Gremlins accrocheront Gizmo à un mur et lui lanceront des fléchettes. Il est à souligner que le stop-motion avait également été une solution envisagée, mais le marionnettisme apportait un aspect plus réaliste aux créatures. Quelques marionnettes plus grandes seront également réalisées car les petites créatures étaient moins capables de transmettre les émotions nécessaires. Une marionnette Gizmo agrandie fut également créée pour la scène dans laquelle il se multiplie. Les nouveaux Mogwai, qui sont sortis du corps de Gizmo sous forme de petites boules de fourrure, étaient en réalité des ballons qui seront gonflés pour montrer ces petites créatures en train de grandir. Wallace avait également créé le gremlin qui explose dans le micro-ondes au moyen d'un ballon qu'il fera éclater. Le gros problème avec les marionnettes est qu'elles ont besoin d'opérateurs et certaines de ces créatures nécessiteront jusqu'à 12 personnes pour manipuler les commandes. Avec autant de fils et de membres d'équipage sur le plateau de tournage, cela deviendra extrêmement difficile de déplacer la caméra. Toutes sortes de méthodes seront alors utilisées pour faire fonctionner les Mogwai et les Gremlins en passant de signaux radio, tiges, travaux manuels, marionnettes et câbles. Au cours de la production, plus d'une centaine de marionnettes Gremlins standards et plus de 20 Mogwai furent construits, ainsi que des marionnettes spécialisées pour chaque occasion. Chaque Gremlins réalisé à l'aide de l'animatronique coûtera entre 30 000 et 40 000 $. Lorsque tout le monde quittait le plateau pour la journée, la sécurité demandait à tout le monde d'ouvrir le coffre arrière de leur voiture afin de s'assurer qu'elle ne serait pas volée. Dans un style Monsieur Potato Head, il y avait des visages gizmo grandeur nature pour différentes humeurs, soit heureux, triste ou confus. Cependant, pour les gros plans, Wallace construira des superfaces qui avaient plus de 3 pieds de large, incluant l'envergure des oreilles, et étaient assez grandes pour s'adapter au moteur et à l'hydraulique nécessaire à une gamme complète d'expressions. Lorsque Spielberg prendra la décision de transformer Gizmo en héros, cela forcera Chris Wallace et Joe Dante à improviser. Manquant de temps et d'argent, les deux hommes prendront alors la décision de faire en sorte que Gizmo passe la seconde moitié du film à l'intérieur du sac à dos de Billy, une couverture brillamment simple et surtout efficace. L'une des séquences les plus difficiles à faire accepter aux hauts dirigeants de la Warner Brothers sera cette scène dans laquelle Kate raconte une histoire qui nous laisse sous-entendre explicitement que le Père Noël n'existe pas. À l'origine, le dialogue fut écrit pour un autre personnage, mais sera remis finalement à l'actrice Phoebe Cates. Cette section des dialogues était si terrorisante pour les exécutifs qu'ils mirent énormément de pression sur Spielberg pour faire couper la scène, ce que le producteur refusera de faire. À un moment donné, les hauts dirigeants étaient même prêts à découper physiquement la scène des copies distribuées dans les cinémas. La partition musicale du film sera composée par le compositeur Jerry Goldsmith, qui remportera un Saturn Award de la meilleure musique pour ses efforts. Goldsmith écrira également la chanson de Gizmo, qui sera alors fredonnée par une jeune adolescente de seulement 13 ans, remplaçant alors l'acteur Howie Mandel. La jeune fille était membre de la synagogue où se tenait Goldsmith, et c'est à cet endroit qu'il fera sa découverte. Gremlins aura une longue post-production. Joe Dante n'avait pas encore, à ce moment-là, pris la décision sur le ton final de l'histoire. Même avec la touche dorée de Spielberg, Warner Bros. N'était toujours pas sûr du film qu'ils avaient entre les mains. Lorsque les exécutifs du studio verront la première version du montage final, ceux-ci adoreront le film, mais pensaient qu'il y avait trop de créatures dans le long métrage, ce à quoi Spielberg répondra: devons-nous supprimer les Gremlins et appeler le film People à la place? Ce sera suite au prévisionnement du premier montage par un véritable public que Dante prendra la décision de réduire la violence et d'augmenter l'aspect humoristique pour créer un équilibre entre la première moitié, qui faisait quelque peu conte de fées, et la seconde partie, qui sombrera beaucoup plus dans l'horreur. Selon le réalisateur Joe Dante et le producteur Michael Fennell, le premier montage de ce film a duré 2h40. Les rôles des acteurs Edward Andrews, George Reynolds et William Scallert seront grandement réduits suite aux dernières coupures. Achevé pour seulement 11 millions de dollars, un peu plus cher que ce que Spielberg avait initialement prévu à l'époque, Gremlins sera officiellement le tout premier film à arborer le logo désormais emblématique d'Amblin Entertainment, devenant ainsi la toute première production officielle de la désormais célèbre société de production de Spielberg. Le film était initialement prévu pour une sortie durant la période des fêtes de Noël, mais lorsque Warner Brothers se rendra compte qu'il n'avait pas de film d'été à opposer à Indiana Jones and the Temple of Doom et Ghostbusters, les exécutifs de la compagnie prirent alors la décision d'avancer la date de sortie. Gremlins sera projeté dans plus de 1509 salles nord-américaines le 8 juin 1984, soit la même journée que Ghostbusters. Il terminera au deuxième rang avec des recettes de 12,5 millions de dollars lors de son premier week-end, soit 1,1 million de dollars de moins que Ghostbusters. À la fin de ses projections nord-américaines, le 29 novembre de cette même année, le long-métrage avait ramassé plus de 153 millions sur le marché nord-américain et un peu moins de 60 millions de dollars du côté international. Cela fera de Gremlins le quatrième film le plus rentable de l'année, derrière Beverly Hills Cop, Ghostbusters et Indiana Jones and the Temple of Doom. Le film établira pour son époque un record pour les studios Warner Brothers, car celui-ci avait rapporté plus de 100 millions de dollars de recettes au box-office plus rapidement que n'importe lequel des films précédents du studio, dépassant ainsi Superman, Superman 2 et The Exorcist. Comme Gremlins avait également un public international, différentes versions du film ont été réalisées pour surmonter les barrières culturelles. L'acteur Howie Mandel apprendra alors à prononcer ces quelques lignes intelligibles dans différentes langues. À l'été 1984, Gremlins et Indiana Jones and the Temple of Doom déclencheront un important débat sur les codes d'âge alors que les spectateurs contestaient la quantité de violence autorisée dans ces deux productions, tous deux classés PG, soit suggestion parentale, au lieu du fameux Restricted. Ce sera Spielberg qui fera la suggestion à la MPAA, Motion Picture Association of America, d'une nouvelle catégorie d'âge aux États-Unis, soit celle du PG-13, qui correspond ici pour nous aux 13 ans indicatifs. Ce sera la maison de publication Avon Books qui achètera les droits de romanisation pour plus de 135 000 $ après une guerre d'enchères avec les compagnies Bantam et Pocket Books. Ce sera l'auteur George Giep qui s'occupera de l'adaptation littéraire qui sera alors publiée en juin 1984. Le roman offrait une origine pour les Mogwai comme prologue, indiquant que ces créatures douces et contemplatives furent créées par un scientifique sur un monde extraterrestre. Gremlins remportera divers prix à divers événements de 1985, mais ce sera vraiment les Saturn Awards de cette même année qui soulignera le drame fantastique en lui remettant les prix du meilleur film d'horreur, meilleur réalisateur, meilleure musique de film, meilleurs effets spéciaux, ainsi que meilleure actrice de soutien. Du côté des jeux vidéo, plusieurs seront produits sur différents types de consoles telles que Atari, Apple II, Commodore 64 et, bien sûr, pour le PC. Durant les années 2000, beaucoup plus de jeux seront produits, notamment pour la Game Boy Color. Du côté des points forts, eh bien, Joe Dante réussit ici à nous donner un film fantastique d'un ton original, enrichi d'effets animatroniques surprenants, avec une direction parfaite pour le genre. Le metteur en scène réussit d'ailleurs à nous donner une ambiance de conte de Noël tantôt amusante, tantôt horrifiante, mais sachant garder en tout temps l'intérêt du spectateur. Les exploits maléfiques des Gremlins auraient pu facilement sombrer dans l'horreur facile, mais Dante sait traiter sa violence avec beaucoup d'humour sans que cela nuise pourtant à la tension de certains passages. L'attraction du film est sans contredit pour moi la relation du chien Barney avec tout son entourage, le chien du nom véritable de Mushroom nous donnant ici une interprétation légendaire, sachant donner les bonnes expressions à chacune de ses présences sur l'écran. Gizmo sait également voler le cœur des spectateurs grâce au travail ingénieux de Chris Wallace et de son équipe qui ont accompli ici des effets spectaculaires avec les animatronics pour l'époque. Finalement, la trame musicale de Jerry Goldsmith est presque parfaite, aidant énormément au résultat final avec sa musique enchanteresse. Mais du côté des points faibles, eh bien la distribution, bien que de talent, souffre du manque d'expérience de certains des membres de son équipe, ceux-ci n'étant pas capables de laisser paraître un sourire aux lèvres lors de séquences soit dramatiques ou terrifiantes, ce qui brise quelque peu la crédibilité de la scène. Les règles données dans l'histoire pour les Mogwai et les Gremlins sont quelque peu discutables, mais surtout mal respectées. En effet, si un Mogwai ou un Gremlin se reproduit au contact de l'eau, pourquoi ce dernier ne se reproduit-il pas lorsqu'il entre en contact avec de la neige? De plus, si on le nourrit après minuit, à quel moment est-ce possible de le nourrir par la suite? Car dans la logique, il est toujours quelque part après minuit jusqu'à ce que l'on retombe à minuit le lendemain. Par chance pour nous, Joe Dante se moquera de ces dites règles dans le prochain film de la série. Finalement, le plus gros problème de Gremlins réside dans le fait que ce film familial vire rapidement au film adulte lorsque les créatures maléfiques apparaissent. La violence de certaines scènes et la cruauté montrée par ces petites créatures semblent plus dirigées à un auditoire plus âgé alors que le début semble réalisé pour toute la famille. De plus, les thèmes abordés dans le film pourraient déplaire à certains parents qui considèrent ce spectacle comme inapproprié pour leur rejeton. Du côté de la trame sonore, eh bien, c'est le compositeur américain Jerry Goldsmith qui a écrit la musique ici, lui qui nous avait donné les trames sonores des films Alien, Poltergeist, Chinatown, Capricorn 1 et Papillon, version 1973. Vous pouvez trouver cette trame sonore sur CD et vinyle. En vinyle, la trame sonore est sortie en 1984 sous l'étiquette Geffen Records. Elle est sortie sur une édition spéciale de deux CD le 1er novembre 2011 sous l'étiquette Score Monthly. Et finalement, il y a eu également une autre édition qui a été créée, soit celle du 27 octobre 2015 qui a été distribuée par l'étiquette Water Tower Music et qui s'intitule Archive Collection Gremlins. Je vous fais donc écouter ici la musique thème du film Gremlins. Attentionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of Taste Thrill Treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. There's something special for your kids at Hardee's. With any sandwich, fries, and soft drink, get a Gremlin storybook and record for 99 cents or less plus tax. Collect all five of these read-along stories about Gizmo and his friends. It's your Gremlin books, it's your records too, 'cause you love Gizmo and Gizmo loves you. Now it's Gremlins that are making America stay. It's here, it's all here at Hardee's. You hungry? Hungry as a gremlin? Here's Gremlin cereal. Gremlins, gremlins, bite after bite. What a tasty way to satisfy a gremlin appetite. Gremlins is a deliciously sweet, crunchy cereal that satisfies the hungry little gremlin that's in all of us. Gremlins, gremlins, bite after bite. What a tasty way to satisfy a gremlin appetite. Gremlin cereal is part of this complete breakfast. Gremlin, yum yum. Want to try some of my Mountain Dew Zero Sugar? Try. It is tasty. Just as good as the original, but without any sugar. Be careful. Be more careful. What? Hey, Dad, Mom wants... We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Remember the last time? We told you not to feed them after midnight. We told you to keep them away from the light. And the most important warning of all, we told you to never, ever get them wet. You didn't listen. They're mutating. Sir, is the building on fire? No, no, that's a false alarm. Are you trying to panic New York City? Absolutely not. So the monsters are real? I didn't say that. Gremlins 2. The new batch. Now, was that civilized? No, clearly not. Fun, but in no sense civilized. Gremlins 2, The New Batch, ou Gremlins 2, La Nouvelle Génération, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Warner Brothers le 15 juin 1990. Ce film américain d'une durée de 106 minutes coûtera plus de 50 millions de dollars au box-office, mais n'amassera qu'un maigre 41,5 millions sur le continent nord-américain. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Joe Dante, qui nous avait donné les films The Hole, Matinée, Small Soldiers et Burying the X. Du côté de la production, eh bien, c'est encore le producteur américain Michael Finnell qui est de retour, lui qui avait produit les films Milk Money, Teaching Mrs. Tingle et Inner Space. Et au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste Charles S. Ass, lui qui nous avait donné les scénarios de Tex, Matinée et Over the Edge, la version 1993. Au niveau de la distribution, on y retrouve encore une fois l'acteur Zach Galligan aux côtés de Phoebe Cates. On y retrouve également les acteurs John Glover, Robert Prosky, Robert Picardo, Christopher Lee, Evelyn Morris et Dick Miller. Un entrepreneur millionnaire new-yorkais qui veut transformer un quartier chinois fait démolir la boutique d'un vieil antiquaire oriental, permettant ainsi la capture d'un curieux petit animal. Ramenée à New York, la créature se retrouve alors réunie avec un jeune provincial qui l'avait adopté quelques années auparavant et aide ce dernier à combattre de nouveaux monstres destructeurs qui ont pris le contrôle de l'édifice où il se trouve. Surpris par le succès monstre du premier film, les exécutifs de la Warner Brothers seront intéressés par une suite et demanderont alors rapidement au producteur Steven Spielberg que le réalisateur Joe Dante et le producteur Mike Fennell qui se mettent tout de suite à réaliser la conception de ce sequel. Les deux hommes travailleront alors avec une série de scénaristes différents, Chris Columbus étant alors à ce moment occupé avec l'écriture des scénarios de The Goonies et Young Sherlock Holmes, ces deux projets étant produits également par Steven Spielberg. Malheureusement, rien ne cliquera et après un moment, Dante se retirera du projet, forçant ainsi la compagnie de production de continuer sans lui. Le studio approchera alors divers réalisateurs et écrivains qui apportèrent alors une série d'idées farfelues telles que l'envoi des gremlins dans des villes comme Las Vegas ou même sur la planète Mars. Après l'échec de ces idées, plus d'un million de dollars dépensés sur différents scripts et quelques années, le nouveau dirigeant des studios Warner Brothers, Terry Semel, approchera alors de nouveau Dante, qui acceptera alors de faire la suite à condition d'avoir un contrôle créatif complet sur le film et un budget beaucoup plus élevé que le long-métrage original. Suite à l'embauche de Fennell et Dante, Spielberg acceptera également de reprendre son poste de producteur exécutif. Fennell et Dante commenceront alors à travailler sur le scénario, car le scénariste Chris Columbus, lui, était occupé en ce moment sur la réalisation de son film à succès Home Alone. Puis, le réalisateur-scénariste Jonathan Kaplan, ami de Joe Dante, appellera le producteur Mike Fennell et lui parlera d'un jeune scénariste du nom de Charlie Ass qu'il considérait comme génial et très imaginatif. Kaplan avait fait la rencontre du jeune scénariste qui faisait alors ses premiers pas dans le milieu sur sa dernière production, le film Over the Edge. Ce sera d'ailleurs lui qui appellera Ass afin de lui proposer le poste de scénariste sur Gremlins 2. Dès le départ, Ass introduira le concept de déplacer les Gremlins à New York, mais les hauts dirigeants de la Warner Brothers s'inquiéteront des fortes dépenses liées à la représentation des créatures maléfiques s'attaquant à une ville entière, forçant le jeune scénariste à confiner l'action de son histoire dans le bâtiment d'une compagnie technologique. Avec plus de contrôle sur le film, Dante décidera alors de faire de Gremlins 2 une satire du film original. Dès le départ, il fut entendu d'inclure un caméo du critique de cinéma Leonard Maltin, brandissant une copie de la vidéo du film original des Gremlins et jetant son venin sur le film. Dans la réalité, Maltin était un ami proche de Dante qui fut quelque peu blessé par les commentaires peu encourageants du critique de film sur le premier Gremlins. Ce sera alors la chance du réalisateur de se venger du critique qui, dans une scène du nouveau long-métrage, verra son monologue interrompu par un groupe de Gremlins qui se jetteront alors sur lui. Malheureusement pour Joe Dante, le concepteur des effets spéciaux Chris Wallace était occupé sur la réalisation de son tout premier film, soit The Fly 2, et donc ne pouvait s'occuper de la réalisation des nouvelles créatures. L'équipe de production se tournera donc en direction de Rick Baker, le responsable des effets spéciaux de films tels que Harry and the Henderson, An American Werewolf in London et Greystock. Cependant, Baker ne sera initialement pas intéressé car il considérait ce nouveau film comme trop de travail pour un projet dans lequel il ne serait pas le créateur, mais plutôt un successeur de Wallace. C'est alors que Dante réalisera qu'il travaillait avec un handicap puisque tout le monde connaissait maintenant les Gremlins et donc l'effet de surprise ne serait plus là. C'est à ce moment que viendra l'idée de cette entreprise biotechnologique qui créera de multiples mutations des maléfiques créatures. Avec ce concept, Baker acceptera le poste lorsqu'il lui fut suggéré qu'il pourrait rendre les Gremlins et les Mogwai beaucoup plus diversifiés. Baker retravaillera alors complètement le concept des Mogwai et des Gremlins et créera de nouvelles créatures, dont un Mogwai féminin qui aurait pu servir d'intérêt amoureux pour Gizmo. L'idée sera rapidement mise de côté, mais sera finalement recyclée, ce qui donnera naissance aux Gremlins appelés Greta. Pour la distribution, le choix de cette dernière débutera en février 1989, soit 3 mois seulement avant le début du tournage. Plusieurs acteurs du film original seront de retour, tels que Zach Galligan, Phoebe Cates et Dick Miller, l'acteur reprenant alors son rôle de M. Futterman, dont la mort avait été sous-entendue dans le premier film. Mais comme Miller est l'acteur fétiche de Joe Dante et qu'il se trouve dans tous les films de ce dernier, il fut décidé que son personnage avait été gravement blessé, à la fois physiquement et mentalement par les créatures, et il sera alors entendu que le rôle de celui-ci sera élargi dans ce second opus. Jackie Joseph sera également de retour dans son rôle de Madame Futterman. Belinda Balaski, Kenneth Toby et Kyle Luke seront également de retour dans cette production. Parmi les nouveaux interprètes figurait Robert Picardo, qui avait auparavant travaillé avec Dante et le producteur Michael Finnell dans des films tels que Howling en 1981 et Inner Space en 1987. Robert Prosky interprétera un animateur de télévision basé sur le personnage d'Al Lewis, qui avait interprété le grand-père vampire dans la série télé The Monsters au milieu des années 60. John Glover interprétera quant à lui un personnage basé sur les véritables personnalités Donald Trump et Ted Turner, mais apportera une innocence enthousiasme dans son rôle qui forcera le réalisateur à le transformer de vilain en héros. Finalement, Christopher Lee interprétera un savant fou. Dante avait toujours rêvé de travailler avec l'acteur légendaire et fut ravi lorsque Lee acceptera le rôle. Cependant, Lee imaginera son rôle beaucoup plus léger que dans la réalité, ce qui forcera alors le réalisateur à l'encourager fortement durant le tournage à montrer ses talents de scientifique fou et maléfique. Fait cocasse, lorsque Lee se présentera sur le plateau de tournage pour la première fois, il s'excusera auprès de Dante d'avoir joué dans le film « The Howling 2 ». Pour terminer, même le réalisateur Joe Dante fera une brève apparition dans le film en tant que directeur de l'émission du grand-père Fred. L'acteur Tony Randall sera alors embauché pour faire la voix du Brain Gremlin, alors Cowie Mandel sera de retour pour faire la voix de Gizmo. Frank Welker sera également de retour et interprétera la voix du Mohawk, alors que Mark Dodson, Joe Dante, Nancy McConner et Kirk Thatcher s'occuperont des voix pour les autres créatures. La pré-production prendra plus de 5 mois car les Gremlins devaient tous être reconstruits, aucune des créatures du premier film ne pouvant être réutilisée car le caoutchouc s'était détérioré avec le temps. De plus, le concepteur des effets spéciaux Rick Baker voulait peaufiner les nouveaux designs de toutes ces nouvelles monstruosités. Le tournage débutera en juin 1989 à New York sous le titre de travail « Monolith ». Le designer Jim Spencer sera également de retour, lui qui avait continué de travailler avec Dante sur ses autres films après le premier Gremlins, soit Inner Space et The Burbs. Même le concepteur de matte painting Albert Whitlock sortira de sa semi-retraite pour aider Dante sur une séquence se passant dans le lobby du bâtiment où se situait l'histoire. Du côté de Spielberg, ce dernier ne sera toujours pas très présent sur le plateau de tournage, étant très occupé à la réalisation de son film Always et surtout faisant amplement confiance à son réalisateur et à son équipe de production. Durant le tournage, Dante s'amusera à trouver des idées loufoques pour ajouter à la satire de la production. Il utilisera tout ce qu'il pouvait trouver dans son arsenal. Il embauchera les frères jumeaux Don et Dan Stanton, qui seront vus par la suite dans le long-métrage Terminator 2 Judgment Day, afin d'interpréter les deux assistants jumeaux du laboratoire. Pour la présence du lutteur professionnel Hulk Hogan, c'était l'acteur Clint Eastwood que désirait avoir à l'origine le réalisateur Joe Dante, mais ce dernier était en Afrique afin de tourner son film White Hunter Blackheart. Le second choix de Dante sera alors Hogan, qui avait la difficile tâche de remettre à la place les Gremlins. Dans The New Batch, Gizmo en avait assez d'être la victime des bêtises de sa progéniture. Après avoir vu John Rambo partir en guerre, il mettra sur sa tête son propre petit bandana rouge, façonnera un arc et une flèche avec un trombone, des élastiques et un crayon et entreprendra alors d'éliminer des monstres. Les producteurs demanderont à Sylvester Stallone l'autorisation de parodier le personnage qu'il créa dans les années 80, ce à quoi l'acteur donnera sa bénédiction. Au cours de l'un des plans d'ouverture du film, des images aériennes de New York seront montrées. Ces images ne furent nullement tournées pour le film, mais plutôt, les producteurs décideront d'utiliser des images d'archives tirées d'un autre film récent de la Warner Brothers, soit des extraits tournés en 1987 pour le film Superman 4, The Quest for Peace. Lorsque le personnage interprété par Picardo est séduit par un gremlin aux lèvres chaudes dans une robe de mariée qui plante plein de baisers sur le visage bien coiffé de l'acteur, ce sera la deuxième assistante accessoiriste qui aura la difficile tâche d'embrasser Picardo partout sur son visage, la jeune femme possédant les lèvres parfaites pour le travail. Afin de sauver de l'argent et également simplifier le travail des popettistes, le personnage de Gizmo sera presque tout le temps tourné alors que ce dernier se trouve dans une sorte de boîte ou de cage. La raison derrière cette décision fut de camoufler les fils afin de simplifier le travail de tout le monde sur le plateau de tournage, décision qui fut prise après la difficile expérience du premier long métrage. L'une des scènes les plus amusantes, mais les plus difficiles à tourner, sera celui du numéro musical de New York, New York, inspiré d'un numéro de Busby Berkeley dans Damn, une vieille comédie musicale des studios Warner Brothers des années 30. Une miniature du hall du bâtiment sera alors construite, ainsi que de minuscules petites figurines gremlins, le tout entrecoupé de plans plus larges des gremlins. Puis, pour la scène où les créatures fondent tous à la fin, il faudra plus d'une semaine pour tourner la séquence, chaque fin de journée demandant un nettoyage complet du stage au grand désarroi des gens de la maintenance. Pour les scènes d'ouverture et de clôture de Gremlins 2, Joe Dante, un avide admirateur des Looney Tunes, demandera au dessinateur Chuck Jones de sortir de sa retraite afin de produire de nouveaux dessins animés de Bugs Bunny et Daffy Duck pour son film. À l'origine, le court-métrage d'ouverture était beaucoup plus long que celui vu dans la version théâtrale. Il y aura également une scène post-crédit impliquant Daffy Duck et Porky Pig. Il est à noter que Dante désirait ce segment de Bugs Bunny car il s'agissait, en 1990, du 50e anniversaire du célèbre personnage d'animation. Suite à la conclusion du tournage, qui dura plus de 16 semaines, suivi de plus de 3 mois de tournage pour les effets spéciaux, ce sera de nouveau le compositeur Jerry Goldsmith, qui aura également un caméo dans le film aux côtés de son épouse, qui s'occupera de composer et diriger la musique du long-métrage. Fait cocasse, lorsque Gizmo se transforme en John Rambo, Goldsmith, qui était également l'auteur de la musique des films de Rambo, utilisera une variante du thème de Gizmo dans le style du thème Rambo. Toujours du côté musical, Gizmo danse à un certain moment dans le film sur la chanson « I'm Ready » du chanteur Fats Domino. À l'origine, ce devait être la chanson « Dancing with Myself » de Billy Idol, mais les producteurs ont été incapables d'obtenir les droits de Idol et se tourneront alors vers Domino. À l'origine, Joe Dante avait un concept fou dans lequel il désirait faire croire au public que les Gremlins étaient dans certaines salles de projection aux États-Unis en y plaçant des Gremlins découpés en carton sur des ressorts qui auraient pu être installés dans la fenêtre de la salle du projectionniste. Malheureusement pour le réalisateur, les hauts dirigeants de la Warner Bros. Trouvèrent l'idée trop farfelue et rejetèrent cette dernière. Warner Bros. Reportera la date de sortie de Gremlins 2, qui devait à l'origine sortir en même temps que Bird on a Wire, film qui mettait en vedette Mel Gibson et Goldie Hawn. La date de sortie sera volontairement reportée en juin 1990, même journée où sortait en salle le film de Warren Beatty, Dick Tracy. Cette décision sera prise afin d'empêcher Dick Tracy de battre le record de la performance au box-office de Batman de Tim Burton, sorti en salle l'année précédente. Malheureusement, le film ne sera pas aussi performant au box-office que l'original, Gremlins 2 The New Batch, n'amassant seulement que 9,7 millions de dollars durant son tout premier week-end. En plus de Dick Tracy, le film devait se battre contre d'autres films à succès tels que Back to the Future 3, Edward Scissorhands, Arachnophobia, Predator 2, Child's Play 2 et The Exorcist 3. À un certain moment dans le film, le réalisateur tente de donner l'impression que les Gremlins ont pris le contrôle du théâtre où Gremlins 2 de New Batch est projeté. La pellicule semble être brisée par les gremlins, qui se livrent ensuite à des marionnettes d'ombre sur un écran blanc, avant d'y faire jouer une bobine d'un film intitulé « Nudie Vintage Volleyball Holiday ». C'est alors que Hulk Hogan fait son apparition en tant que membre du public et intimide les gremlins afin que ces derniers laissent le film continuer. Cette blague fut inspirée par une cascade similaire dans le film de 1959 du réalisateur William Castle, The Tingler. Lorsque le film fera ses débuts en vidéocassette, le cinéaste remplacera cette scène pour donner l'impression que les magnétoscopes du spectateur avaient été cassés par les gremlins. Dans cette version, les gremlins font leurs marionnettes d'ombre sur du white noise vidéo avant de changer les canaux du magnétoscope. Leur bouffonnerie s'arrête à une émission de Chisholm où John Wayne force les gremlins à continuer le film. La doublure de la voix de l'acteur sera alors nécessaire puisque Wayne était décédé en 1979. Ce sera l'acteur Chad Everett qui sera recommandé par le fils de Wayne, Patrick Wayne, pour doubler la voix. Au niveau littérature, le livre pour enfants Gremlins 2 The New Batch Movie Storybook sera écrit par l'auteur Michael Tettelbaum et publié par Golden Craft en décembre 1990. La maison d'édition Little Golden Books publiera de son côté Gremlins 2 The New Batch Gizmo to the Rescue en juillet 1990. Puis, au Royaume-Uni, la maison de distribution William Hanneman Limited publiera deux livres d'images en août 1990 qui contenaient des photographies et des scènes tirées du long-métrage et qui s'intitulaient « Don't Get Wet » ainsi que « Midnight Feast ». Ce sera l'auteur David Bischoff qui écrira un roman basé sur le film qui sera alors publié par la maison d'édition Avon Books en juin 1990. Un aspect unique du roman est la façon dont Bischoff adapte la séquence où le film se casse. Dans le roman, le Brain Gremlins enferme Bischoff dans sa salle de bain avant de prendre un peu les rênes de l'écriture afin d'expliquer que les gremlins prennent le relais à ce stade, évoquant également son mécontentement envers le travail de Bischoff, qu'il surnommera alors « Monsieur Lunette ». C'est alors que Brain commencera à parler politique avant que Bischoff ne se fraye un chemin hors de la salle de bain avec une hache et se débarrassera du gremlin. À l'origine, la version originale du long-métrage était beaucoup plus longue, mais Steven Spielberg demandera que soient coupées plusieurs scènes, une des scènes supprimées, montrant trois des principaux gremlins se faufilant dans le studio de l'animateur de télévision Grand-père Fred et l'aidant à l'animation de son émission. Cette séquence sera incluse dans le roman. Du côté des jeux vidéo, ce sera la société espagnole Toposoft qui développera le jeu Gremlins 2 The New Batch pour Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS, MSX, Amstrad CPC et le ZX Spectrum. Le jeu sera alors distribué par Irby Software en Espagne et par Elite à l'étranger. Il s'agira ici de la première fois qu'une société espagnole obtiendra une licence exclusive d'un film hollywoodien pour créer un jeu vidéo. Hi-Tech Expressions a également sorti un jeu DOS à peu près au même moment, mais ce dernier sera très mal accueilli. Sunsoft a également créé des versions pour le Nintendo Entertainment System et la Game Boy en 1990. Gremlins 2 obtiendra plusieurs nominations au Saturn Award de 1990 dans les catégories Best Director, Best Fantasy Film, Best Music, Best Special Effect et Best Supporting Actor, John Glover et Robert Picardo étant tous deux nominés dans cette dernière catégorie. Malheureusement, aucun prix ne sera remporté par le film. En janvier 2013, Warner Bros. Débutera des négociations avec Amblin Entertainment pour redémarrer la franchise des Gremlins. Seth Graham Smith sera alors sollicité aux côtés de David Katzenberg pour produire un troisième film à la saga, mais malheureusement, le projet sera annulé. En novembre 2015, le scénariste-réalisateur Chris Columbus travaillera sur un nouveau scénario pour Gremlins 3 avec l'écrivain Carl Ellsworth. Finalement, ce sera en février 2019 que Warner Media donnera le feu vert à une série d'animations basée sur l'univers des Gremlins pour leur service de streaming HBO Max. Ti Chung sera alors confirmé pour l'écriture de la série et Daryl Frank, Justin Falvey, Sam Register et Brandon A. Oz partageront alors les tâches de producteur exécutif. Gremlins Secret of the Mogwai recevra alors une commande de deux saisons de 10 épisodes chacune qui devrait être diffusée dès 2023. Joe Dante sera alors embauché à titre de consultant pour la série, alors que la distribution vocale sera composée d'Isaac Wong, Ming-Na Wan, B.D. Wong, James Hong, Matthew Rhys et Gabriel Green. Ce sera A.J. Locascio qui prêtera sa voix à Gizmo, alors que Zach Galligan, Sandra Hall, Randall Park, George Takei et Bowen Yang auront des rôles récurrents dans la dite série qui présentera les événements qui mèneront à la rencontre entre Sam Wing, alors âgé de 10 ans, et le jeune Mogwai appelé Gizmo. Les deux amis entreprendront alors un long périple à travers la campagne chinoise, rencontrant et combattant des créatures colorées du folklore chinois. Si le projet de série animée est un succès, Warner Bros. Irait de l'avant pour un troisième long métrage de la franchise. Du côté des points forts, eh bien, bien que l'effet de surprise ait disparu, le réalisateur nous présente ici une réalisation assez efficace tout en nous donnant une satire assez mordante du premier film et prêtant hommage aux vieux classiques du cinéma d'horreur et de science-fiction tels que Invasion of the Body Snatchers, Tarantulas, The Beast from 20,000 Fathoms, King Kong, Phantom of the Opera et plusieurs autres. Les effets spéciaux sont de très haute qualité ici, les Gremlins étant beaucoup plus gros et surtout plus imposants que le premier long-métrage. Du côté de la distribution, celle-ci se démène avec vivacité, Christopher Lee, John Glover et Robert Picardo volant ici tout simplement la vedette. Gremlins 2 The New Batch se veut avant tout une satire sur l'univers des sequels à Hollywood et à la modernisation de la société en général. Mais du côté des points faibles, les règles ici sont totalement ridiculisées, voire même non respectées, Gizmo se promenant à l'extérieur en plein soleil sans aucun effet mortel sur la petite créature. Certains effets visuels, en dehors de l'animatronics bien sûr, ont assez mal vieilli. De plus, rien n'explique pourquoi Gizmo ne donne pas naissance ici à des Mogwai qui lui sont similaires, comme dans le premier film. En effet, ces nouveaux Mogwai apparaissent de différentes couleurs et possèdent chacune une personnalité différente. Le fait que ces créatures se retrouvent dans une compagnie biotechnologique, on aurait pu se servir de cet endroit pour effectuer des expériences sur Gizmo, ce qui aurait alors expliqué intelligemment la raison des différents types de Mogwai, ce que l'on ne fait pas dans le film. Le long métrage est bâti comme une comédie, mais cette dernière est peut-être trop over the top, enlevant l'aspect conte de fées du premier film et, surtout, la crédibilité du deuxième, ce qui détruit quelque peu la trame de l'histoire qui devient alors totalement incohérente à partir du moment qu'apparaissent les créatures maléfiques. Finalement, certains membres de la distribution, principalement Phoebe Cates et Zach Galligan, semblent perdus et dépassés par les événements, mais par chance, la distribution des acteurs de soutien permet de sauver le spectacle. Au niveau de la musique du film, c'est encore une fois le compositeur américain Jerry Goldsmith qui s'occupe de la trame sonore ici, lui qui avait écrit la trame sonore des films The Omen version 76, Planet of the Apes version 68, Who's Yours, Basic Instinct et LA Confidential. Il vous est possible de trouver la bande sonore de Gremlins 2 The New Batch en CD et en cassette 4 pistes sous l'étiquette Varese Sarabande, trame sonore qui est sortie en 1990. Un autre CD sera sorti sur le marché le 29 juin 2015, CD qui s'intitule Gremlins 2 25th Anniversary Edition et qui comprend plus de 77 minutes de la musique du film. Cette édition est limitée à seulement 3000 exemplaires. Et finalement, un vinyle sera mis sur le marché le 10 mai 2019 sous l'étiquette, encore une fois, de Varese Sarabande. Sera sorti à plus de 750 exemplaires le 10 mai 2019. Je vous fais donc écouter ici le thème du film Gremlins 2 The New Batch. côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film 4. J'y vais également avec un 4. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, autrefois, Gremlins était coté 13 ans indicatif. Aujourd'hui, Mediafilm le cote général. Moi, j'y vais encore avec un 14 ans. Je pense que c'est un film qui est un petit peu trop adulte pour un jeune auditoire. Pour Gremlins 2, The New Batch, eh bien, Mediafilm a coté le film 4. J'y vais également avec une cote 4. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film général. J'y vais également avec une cote pour tous. Du côté des DVD et Blu-ray disques, du côté de Gremlins, le film est disponible en DVD, en Blu-ray et en 4K, en français et en anglais. Vous êtes capable également d'avoir un coffret double qui comprend Gremlins et Gremlins 2 en Blu-ray. Donc, ça, c'est des choses qui sont disponibles sur le marché. Du côté de Gremlins, vous avez également le 30th Anniversary qui est disponible en DVD, Blu-ray et 4K. Version anglaise, cependant, mais c'est une édition spéciale de deux disques. Vous l'avez également au niveau du 25e anniversaire. Cette fois-ci, c'est une version un disque, mais qui est inclus dans le DVD, le Blu-ray et le 4K. Et c'est également une édition qui est bilingue. Du côté de Gremlins, The New Batch, eh bien, vous avez le film en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Donc, toutes des choses qui peuvent se retrouver facilement sur le marché. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double. Alors, la prochaine fois que votre téléviseur s'enrayera ou que votre machine à laver s'éteindra, allumez toutes les lumières, regardez dans vos placards ou sous votre lit, parce que, sans que vous le sachiez, il y a peut-être un gremlin qui réside chez vous. Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.